J'ai 25 ans, c'est le bel âge. Une bonne santé, pas de surmenage. Pourtant, je suis découragé. Qu'est-ce que j'ai? J'adore les femmes, c'est toute ma vie. Et plus aucune ne ferait envie. Je m'endors à l'heure du berger. Qu'est-ce que j'ai? On voit les deux qui n'ont pas l'air prudes. Elles me font de l'œil par habitude. Mais j'ai la flemme de me déranger. Qu'est-ce que j'ai? Encore une, elle rit et m'appelle. Charmante. Bonsoir, mademoiselle. Vous suivre? Oh non, pas de danger. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi donc est-ce que je regrette un joli petit nez en trompette et de sabots dans un verger? C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Mon vieil ami, je sais ce que j'ai. Moi aussi, je sais ce que tu as. Antonin, tu es amoureux. Je sais qui tu aimes. Tu aimes... Ciboulette. Allons à Aubervilliers. Allons retrouver Ciboulette. Inutile. Pourquoi? Elle est partie. Oh, du parquet. Ma vie est finie. Du parquet, je vais vous annoncer une nouvelle effroyable. Tu vas te tuer. Dès mon réveil au lever du jour. À 11h. Non, à midi. Seulement, vous lui remettrez la lettre que je vais lui écrire. Je te le jure. Parce que si je tiens à me tuer pour elle, je tiens encore plus à ce qu'elle le sache. Ça la touchera. Et alors peut-être qu'elle me reviendra. Oui, c'est possible. Seulement, comme tu seras mort... Ça ne fait rien. Quand nous en serons là, ça pourra peut-être s'arranger. Par exemple, je voudrais que ma lettre soit une belle lettre. Si vous vouliez m'aider... Écris donc, gamin.